Chapitre 3e, l'anneau. Donnant le bras à Gabriel, le chevalier prit le chemin des armes du roi d'un air soucieux. Son courrier basque venait déjà d'y remiser son coche et le précédait le fouet en main. Cette hôtellerie étant située à l'autre bout de la ville, le chevalier avait le temps de repasser en son esprit les diverses scènes dont il venait d'être l'acteur. Monsieur de Charny, que dans sa jeunesse on appelait le Mignon, qui depuis fut comte mais qui n'était encore que chevalier, devait sa rage de duel à son humeur altière, que rendait plus chatouilleuse le malheur de sa naissance. Il était bâtard du duc d'Orléans, Gaston, et fils de cette pauvre Louison, bien faite et de beaucoup d'esprit, dit mademoiselle, pour une fille qui n'avait pas été à la cour. Un chagrin affreux de Louison avait été de voir que monsieur ne voulait pas reconnaître le fils dont elle était mère. Elle s'était mise en religion à Tours aux filles de la Visitation, donnant à ses amis tout ce qu'elle avait pu avoir de chez elle, et de monsieur, et ne laissant que 20 000 livres à son fils, du revenu desquels on devait l'entretenir jusqu'à ce qu'il fût en état de s'aller faire tuer à la guerre, si on ne le voulait pas reconnaître. On peut juger, par cet abandon de monsieur, de ce qu'avait dû être l'éducation de Charny. Il s'était lancé tout seul. Heureusement que ses manières élégantes le faisaient rechercher par tous plus que sa jeunesse et sa fortune, qu'il était brave et véritablement garçon d'esprit. Il y avait chez lui un peu de Tancred de Rohan, dont nous avons écrit l'histoire. Seulement, au rebours de tous les bâtards nobles qui aiment leur père, celui-ci haïssait le duc d'Orléans, dont il désespérait de se voir jamais reconnu, bien qu'il pût trouver dans la seule composition de la cour de France à cette époque une foule de positions analogues à la sienne, à commencer par le duc de Longueville. Monsieur de Charny avait pris tellement à cœur son infortune qu'à peine âgé de 12 ans, il mit l'épée à la main et faillit percer un gentilhomme qui parlait de lui d'une manière douteuse. D'une gaieté folle par excès, il tombait en d'autres moments dans l'excès contraire. On lui connaissait un nombre de maîtresses presque égales à ses rencontres, mais aucune, jusque-là, n'avait réussi à le fixer. Pour arriver à ce but, ou plutôt à cette gloire, il lui fallut trop combattre. Le chevalier, en effet, chassait de race et avait une bonne partie des défauts de monsieur Gaston d'Orléans, son père, qui avait toujours eu l'esprit un peu page et à qui Besançon chantait « Gaston, qui savait mieux que nous tous les secrets de la taverne, etc. » Cependant, depuis 2 ans à peu près, ses sens eux-mêmes le trouvaient assez rangé. Il jouait moins, avait de plus peur des édits et n'avait pas une seule fois tiré l'épée. Sa vie était même devenue, depuis son second voyage d'Espagne, une vie sourde et mystérieuse. On le voyait toujours avec le jeune Gabriel de Chaville, dont personne à la cour ne connaissait la famille. Tout ce qu'on se rappelait, c'est que le cardinal Mazarin, passant un jour à Saint-Sébastien, avait trouvé ce jeune homme à son gré, qu'il avait voulu l'enlever à Charny pour le mettre dans ses pages. Le chevalier avait cru devoir garder son protégé. Un cœur aussi inflammable que celui de notre héros, il ne fallait vraiment qu'une étincelle. Les yeux de Concha venaient d'en faire l'office. Charny, en entrant aux armes du roi, songeait encore à la grâce et à la beauté de la comtesse de Liche. « Vous voilà bien rêveur, chevalier, » lui dit Gabriel. « Je ne vous ai point accompagné à votre premier voyage, lorsque vous suivîtes monsieur le duc de Gramont à son ambassade. Vous connaissiez donc la comtesse de Liche ?»« Je l'ai rencontrée à Madrid, où le marquis de Noirmoutier a jugé convenable de me présenter à elle. Sur votre prière, sans doute. »« Sur ma prière, c'est vrai. La comtesse est charmante, et cependant, elle avait en ce temps-là un grand défaut. Lequel ?»« Un mari. » Ce qui me gênait étrangement, c'était le comte de Liche, qui a eu l'esprit de mourir l'année dernière, maintenant qu'elle n'a plus qu'un duc. Le duc de Médina avec lequel vous voulez vous battre absolument. Tout de bon, chevalier, ferez-vous cette folie? Le chevalier avait envie de répondre, mais il jugea prudent de s'arrêter. Gabriel lui paraissant sans doute la dernière personne à laquelle il eût dû faire la confidence de cet amour. Et puis, ils entraient alors tous deux dans la chambre où l'hôtesse achevait de préparer leurs 2 lits. Ce pavillon de l'hôtel formait un corps isolé. Le parquet de la chambre d'auberge était recouvert de nattes, espartas, à la façon de tous les parquets espagnols, et sur ce parquet s'élevait une immense caisse en guise d'obélisque. C'était le précieux coffre contenant la garde-robe des 2 voyageurs. Pendant que Gabriel en passait la revue avec grand soin, Charny soupirait en se regardant à l'un de ses miroirs. Il songeait, sans doute, que c'eût été une cruauté indigne de la comtesse que de résister à un homme si bien tourné. Voyant que Gabriel gardait le silence, Eh bien oui, je me bats demain et je veux pour cela mon plus bel habit. Mes gens n'arriveront ici que dans 2 jours. Te voilà forcé de me servir de page. » Et il sifflait un air en cajolant le menton de l'hôtesse, qui revint dans la chambre avec un flambeau. Elle était jolie, mince de taille, et portait la tresse de cheveux nattés qui distingue encore à cette heure les femmes des provinces basques. « Monsieur le chevalier a-t-il tout ce qu'il lui faut ?» dit l'hôtesse. « Tout, excepté la chose la plus essentielle, un souper. Le dîner que j'ai fait aux 2 anges ne m'a pas chargé l'estomac, ma chère hôtesse. » « Hélas, mon cher seigneur, nos dernières provisions viennent d'être enlevées à l'heure qu'il est par le maître d'hôtel de la comtesse de Liche. » Gabriel sourit malicieusement à cette réponse. « La comtesse fait donc grande chère, » dit le chevalier. « Je l'en félicite. » Et il referma la porte sur lui d'un air d'humeur. « Voilà une femme qui en veut à votre existence, » dit Gabriel dès que l'hôtesse fut sortie. « Elle vous a fait faire un mauvais dîner et demain vous vous battez pour elle. » « C'est vrai, je lui dois cela, » reprit le chevalier en ajustant les boucles de sa perruque. « Une si belle femme, ni un amoureux si jaloux que ce Médina. Je gage qu'elle ne peut le souffrir. »« Que faites-vous donc, Louis ?» dit Gabriel en se rapprochant du chevalier. Charny ôtait en ce moment de son doigt un anneau fermé par une petite tête d'ange merveilleusement sculptée. « C'est la première fois que je vous vois ôter cet anneau, Louis. » « Auriez-vous peur que demain cette bague ne vous porte à malheur en duel ?» dit le jeune homme avec un accent d'émotion inaccoutumée. « Non, mais c'est que je crains par-dessus tout l'escrime espagnol. Pour les bagues, s'entend. » Courcel, capitaine aux gardes, m'a dit qu'il avait eu son anneau d'alliance faussé par un gentilhomme catalan avec lequel il s'était battu. Ils ont de ses dégagements et de ses coups. « Convenez, Louis, que si vous allez demain à ce rendez-vous, ce sera moins pour le duc que pour la comtesse. » « Vous mourrez d'envie de vous mettre en renom près d'elle, de faire grande rumeur dans la ville à son sujet. N'ai-je pas vu de quel œil vous suiviez chacun de ses gestes durant le repas? Ne m'avez-vous pas dit que vous l'aviez connue déjà à Madrid, et ne m'avez-vous pas soutenu 20 fois qu'une maîtresse espagnole vaudrait pour vous 10 françaises ?»« Si j'ai dit cela, » balbutia Charny, effrayé lui-même de son paradoxe, « ce devait être un jour où j'étais là, persécuté, ou celle que j'aimais s'attache à mes pas obstinément. « Oui, » continua le chevalier en couvrant d'essence à la jonquille sa perruque pour le lendemain et en coiffant son chef d'un charmant petit serre-tête rose qui le faisait ressembler à un mandarin avec ses grandes moustaches. Il y a des femmes qui font consister leur bonheur dans la domination, des femmes qui nous traitent en esclaves quand nous oublions de nous poser près d'elles en maître, des femmes, en un mot, qui peuvent nous montrer le premier mois d'un amour des mouvements de jalousie fort obligeants, mais dont, à la longue, l'insistance nous importune. Gabriel, connaissez-vous de ces femmes-là? Oui, j'en connais, vraiment, chevalier, dit le jeune homme en fixant Charny. Mais je sais aussi que la plupart du temps, on se plaît à méconnaître leur affection, trop heureuses quand elles ne sont pas calomniées. Trop souvent, elles ont affaire à des ingrats. Trop souvent, ceux-là même qui se plaignent de leur jalousie se font une joie singulière de l'exciter. « Hélas, ils oublient trop vite à leur tour à quel cœur délicat et généreux ils ont affaire, sur quel dévouement ils marchent à plaisir, les insensés, à quelle chimère surtout. Ils tendent souvent les bras. « Oui, » continua Gabriel, « il y a de ces hommes auxquels on a tout donné, et qui vous ferment un jour brusquement l'accès de leur cœur, des hommes qui regardent comme un joug les meilleurs et les plus tendres sentiments. À votre tour, Louis, connaissez-vous de ces hommes-là ? » Il y eut entre eux un silence d'un instant, après lequel le chevalier s'en fut considéré une épée de forme espagnole qu'il avait achetée l'année d'auparavant au Rastro de Madrid et dont il fit plier la lame comme un gant après l'avoir tiré d'un fort bel étui de serge. « Vous parlez d'or, Gabriel, » dit-il à son interlocuteur. « Vous me faites l'effet de Massillon. Vous trouvez, Louis ? Par malheur, je ne convertis pas comme lui. » « Vous êtes peut-être plus sévère, mais parlons raison. Quel témoin vais-je prendre ? Je n'ai pas envie de vous exposer demain, » dit Charny en passant sa robe de chambre. « Louis, » s'écria Gabriel, « par pitié pour moi, par égard pour vous, qui seriez sujet aux peines décrétées par les édits ? Vous n'irez point à ce duel, non, vous n'irez point, » poursuivit Gabriel en se plaçant devant lui résolument. « Enfant, » reprit Charny, « vous m'avez fait souvent de ces scènes-là, songez qu'il faut être demain sur pied de bonne heure. J'ai bien envie d'écrire à ce capitaine Malagotti, qui m'a l'air cependant d'un vieux renard, s'il allait me dénoncer. Raison de plus pour ne pas vous battre, Charny. D'ailleurs, ne suis-je donc plus rien pour vous ? Dit Gabriel en regardant l'anneau du chevalier. Des larmes mouillaient ses longs cils et ses deux mains s'étaient jointes avec angoisse. « Gabriel, » dit Charny en faisant sur lui un effort déterminé, « Gabriel, il faut que vous me quittiez demain au point du jour. L'hôte me donnera bien un serviteur sûr et zélé, et mon courrier vous conduira tous deux à Saint-Sébastien, où je ne tarderai pas à vous rejoindre. Vous quittez, Louis, vous quittez. Voilà donc ce que vous exigez de moi. Vous voulez vous défaire d'un surveillant incommode ? Vous aimez la comtesse. Vous me sacrifiez à elle, je le vois bien. Eh bien oui, » reprit Charny, pressé d'en finir et cédant à l'impétuosité de son caractère. « Eh bien oui, j'aime la comtesse. Après tout, je suis libre, et nul n'a, je pense, le droit de mettre obstacle à mes projets. Oui, vous l'avez dit, je veux me défaire d'un surveillant incommode. Vous m'avez suivi depuis Paris, suivi contre mon gré, contre mon devoir et le vôtre. Il faut maintenant... » « Arrêtez, monsieur de Charny, » interrompit Gabriel. « N'allez pas plus avant. Vous venez de jeter le masque, c'est bien. » Dès demain, vous serez libre, chevalier, seulement, puisque je contrarie vos moindres désirs, que je viens toujours me jeter à la traverse de ce qui vous plaît, vous enchante. Permettez-moi, Louis, » ajouta Gabriel d'une voix plus douce, et en promenant sur Charny son regard d'ange, de laisser ici, avant de vous quitter, ces habits sous lesquels j'avais cru que vous m'aimeriez toujours. Ils me sont maintenant odieux, à tout jamais. Et dépouillant à la hâte son pourpoint chamarré, ôtant son baudrier et sa cravate à gland d'or, Gabriel, dans le dépit mutin qui l'agitait, laissa entrevoir au chevalier des charmes que celui-ci connaissait déjà, des épaules, un cou de femme défiant la blancheur du cygne, et qui apparurent à l'œil de Charny comme un reproche adressé à sa coupable indifférence. Blottie bientôt dans l'une des robes de chambre du chevalier, la jeune et charmante fille, enfermant sur elle ce rideau d'un nouveau genre, ne put empêcher que Charny ne se détournât pour l'admirer encore. Ayant terminé sa toilette de nuit, elle se mit au lit sans faire au chevalier d'autres reproches. Pour Charny, jugeant que la résignation de la jeune fille cachait un véritable dépit, et se félicitant d'ailleurs de la tournure qu'avait prise la chose, il ne tarda pas à s'endormir rêvant de Concha, comme le valeureux Don Quichotte dut rêver de Dulcinée. Seulement, et par un reste de pudeur vis-à-vis de ses souvenirs, il mit à son doigt l'anneau que sa maîtresse lui avait donné, mais que sa loyauté habituelle lui faisait regarder comme un signe onéreux d'alliance.